Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 3, les Biopositions. Le fascicule allemand numéro 120, La planète Mechanica, écrit par K.H. Schirr en 1963, ne fut pas traduit en français. Sur Snarfot, les Terriens, rejoints par Atlan, continuent à étudier le navire Summer. Ils sont informés que 4 autres planètes contaminées ont été découvertes. Des spores sont amenées sur Arconis 2 pour être étudiées, mais, suite à une négligence, elles se répandent sur la planète. 2 milliards d'Arconides sont menacés. Par précaution, Atlan fait fermer tous les astropores. Atlan rejoint le Duc de Fer pour se lancer à la recherche de la nef poissonneuse, seul moyen de se débarrasser des spores. Le régent a déterminé que l'émetteur, répondant aux signaux du navire Summer, se trouve dans un secteur de l'espace aux franges de la galaxie. Le 14 septembre 2104, on découvre que l'unique objet dans ce secteur est l'étoile rouge Outside. Le Duc de Fer s'y rend immédiatement. La seule planète digne d'intérêt est la deuxième, baptisée Mechanica, en raison de la prolifération de robots à sa surface. Aucun être vivant n'est découvert. Les installations automatiques attaquent le navire terrien avec l'arme paralysante baptisée Narcoradian. Des drones de récolte interviennent, semant le chaos dans les salles hydroponiques. Les terriens débarquent et doivent continuellement se battre. Leur but est de localiser l'émetteur Hypercom, le collecteur, et d'obtenir la liste des planètes ensemencées par le navire Summer. Une gazelle part dans l'espace et émet des signaux de détresse identiques à ceux du navire Summer pour aider à la localisation. Ils finissent par trouver la station qu'ils investissent au prix de lourds combats. Des indices prouvent que les constructeurs des robots étaient de souche reptilienne. Ils sont baptisés Sauriens. Les Terriens obtiennent des registres mémoriels, les coordonnées des planètes ensemencées, mais surtout, ils parviennent à faire émettre un signal devant envoyer la nef moissonneuse disparue sur Asgola. Le fascicule allemand numéro 121, L'héritage des Sauriens, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 52, Mannes éphémères, paru chez Fleuve Noir en 1981. Une escadre terrienne se maintient à une certaine distance du système d'Asgo. Perry Rodden veut attendre la nef moissonneuse des Sauriens, attendue sur Asgola, puis l'envoyer ensuite sur Arconis 2, menacée. Une gazelle quitte le Sirius pour déposer, sur Asgola, les 3 téléporteurs Rastjubai, Takukakuta et l'Émir. En attendant que le vaisseau arrive, les trois hommes se détendent sur la planète où ils rencontrent deux Asgoniens oubliés par l'évacuation. Ils commencent aussi à grossir. La nef moissonneuse arrive enfin et commence à aspirer les spores. Là où elle passe, le lipofongus finit par mourir. Les trois mutants sautent à bord de la nef moissonneuse. Le commandant robot de celle-ci, Rabotax 3, les détecte aussitôt. Ce n'est pas sa première rencontre avec une autre race. Jadis, il est tombé sur une civilisation de robots au cœur de la Voie lactée. L'émir neutralise les narco-radiants et bloque la transmission entre le commandant et les blocs propulsion. Rodden fait alors émettre les impulsions pour attirer la nef moissonneuse sur Arconis 2. Elle ne peut partir tout de suite, ses blocs propulsion étant coupés. Rabotax 3 établit heureusement le contact avec les trois téléporteurs au moyen d'images. Le mulot castor peut rétablir le bon fonctionnement des blocs propulsion et la nef moissonneuse part à destination d'Arconis. Suivant les ordres de Rodden, le Duc de Fer se dirige vers Outside, l'étoile de Mechanica. En route, il croise une mystérieuse nef fusiforme appartenant à la même civilisation de robots déjà rencontrée par la nef moissonneuse. Celle-ci commence son travail sur Arconis 2. Quand l'opération est terminée, au bout de 6 jours, Rodden ordonne la destruction de la station émettrice principale de Mechanica. Malgré une défense inattendue de la planète, l'ordre est exécuté. Les trois téléporteurs, après avoir suivi un traitement les soulageant de tout poids excédentaire, rejoignent le Sirius. Rodden envoie alors l'ordre stationnant la nef poissonneuse sur la périphérie de la galaxie. Le fascicule allemand numéro 122, La mort du Lord Amiral, écrit par Kurt Mahr en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 53, Complot Arconide, paru chez Fleuve Noir en 1981. Suite à l'assassinat de l'amiral Tekus sur Arconis, la section 3 intervient. Ils font créer un androïde à l'image de Tekus pour tenter de piéger son assassin. Une après-midi, Ron Landry amène le pseudo-Tekus en ville. Dans un magasin, ils sont victimes d'une tentative d'assassinat, mais ils parviennent à regagner leur base. Nicky Quinto désintègre Tekus dès leur arrivée. En fait, le robot Tekus a été subtilisé et remplacé par un autre androïde. Grâce à l'émetteur implanté, ils apprennent que le robot a été amené sur Arconis 3. Ils apprennent aussi que l'un des agresseurs est Carba de Minterol, un noble arconide. Les terriens peuvent suivre l'interrogatoire du faux Tekus par ses ravisseurs. Les questions émanent d'Arfar, un arconide de très haut rang, et de mystérieux Melaal, que l'on ne parvient pas à identifier. Quinto apprend ainsi que Tekus était un des maillons d'un vaste complot visant à renverser Atlan et qu'il a été abattu car il était en désaccord avec les méthodes utilisées par les conjurés. Il est question aussi d'un certain Bélubal, un aconide, et donc le danger pour les terriens serait encore plus grand que prévu. Soudain, Carba apparaît et embarque tout le monde sur son vaisseau afin de rallier leur base secrète de Kusma, car ils soupçonnent les terriens d'être proches d'eux. Le vaisseau de la section 3 les suit et arrive au moment où le vaisseau arconide repart de Kusma. Quinto envoie un message à la flotte terrienne pour interception et se pose sur la planète. Sur Kusma, Quinto découvre la base ennemie dans laquelle se trouve Tekus. L'interrogatoire de celui-ci a repris, toujours mené par Arfar, Karba et Melaal. À un moment, Melaal se sépare du groupe pour préparer leur fuite, car il vient de comprendre que Tekus est un robot et que, par conséquent, les terriens ne sont pas loin. Mitch Hannigan, de son côté, a repéré le complice de Melaal et Quinto comprend qu'ils sont repérés. Il décide d'activer le transmetteur caché dans Tekus et de donner l'assaut à la base. Malheureusement, les rebelles ont réagi très vite et ils parviennent à fuir. Quinto décide de fouiller la base, mais Hannigan découvre une bombe laissée par Melaal que Landry ne parvient pas à désamorcer. Ils ont juste le temps de quitter Kusma avant qu'elle n'explose. Quelques heures plus tard, Perry Rodden et Atlan font un bilan de la situation. Les machines découvertes sur Kusma servaient à activer le cerveau second des Arcanides et Karba, le neveu de Tekus, semble être un rouage important de la conspiration, aidé par les Arcanides. Le fascicule allemand numéro 123, Saboteur en A1, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 53, Complot Arcanide, paru chez Fleuve Noir en 1981. Dans l'ambassade terrienne sur Arcanis 1, Julian Tiffler reçoit les conclusions alarmantes du cerveau P de Vénus. Les Arcanides soutiennent les révolutionnaires et dénonceront les traités avec l'Empire solaire dès la mort d'Atlan. Rodden appelle Atlan et lui conseille de déménager à l'intérieur du cerveau P afin d'être parfaitement en sécurité. Sur Terre, Alan D. Merkent et Reginald Bull font un point de la situation politique dans M13. Atlan est, par contre-coup, l'Empire sont en grand danger. En effet, Karba a fait assassiner son oncle Tekus car celui-ci avait probablement refusé la gérance des Arcanides dans leur organisation. À bord du Duc de Fer, Rodden et Atlan tentent de convaincre le régent de la vulnérabilité de son dispositif de sécurité A1 face à la maîtrise des systèmes temporels des Arcanides. Le régent reste convaincu de l'inviolabilité de ces systèmes qui sont auto-protégés. Et pourtant, quelques minutes plus tard, il appelle au secours. Des hommes ont pénétré dans le secteur A1. Aussitôt, Rodden et Atlan décident de rejoindre le régent. Rodden, Atlan, quelques mutants et ingénieurs en positronique pénètrent à l'intérieur du régent et découvrent avec émerveillement l'étendue des installations du cerveau. Il leur faut plus d'une heure pour atteindre le secteur A1. Celui-ci est entouré par un champ temporel à l'intérieur duquel 8 Arcanides s'affairent. À l'intérieur du cerveau P, il est impossible pour les mutants de traverser le champ temporel. Rodden comprend alors que le seul moyen de rejoindre les 8 hommes et de pirater le transmetteur qui les a téléportés sur place. Tout le monde regagne le Duc de Fer et un commando emprunte un transmetteur réglé sur la fréquence des Arcanides. Ils se retrouvent à bord d'un vaisseau Arcanide dont ils se rendent maîtres. Dès lors, les Arcanides n'ont d'autre choix que de se rendre. Hélas, ils sont abattus par le régent, sitôt leur champ temporel désactivé, emportant avec eux le secret des modifications apportées au régent et, de fait, celui-ci ordonne bientôt au vaisseau terrien de quitter le système d'Arcanis. Le fascicule allemand numéro 124, le Psychoduel, écrit par William Voltz en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 54, Opération Dernière Chance, paru chez Fleuve Noir en 1981. Salor Eno, le délégué d'Atlan sur Zalit, cherche à fuir son palais suite à une nouvelle révolte des colons. Il y parvient grâce à l'espion terrien Wayne Tate. Celui-ci apprend à Eno que l'escadre, attendue sur Zalit pour mater la rébellion, ne viendra pas. En effet, les nefs robots ont refusé d'intervenir. À bord du Duc de Fer, Perry Rodden fait le point de la situation. Le régent refusant de collaborer avec les escadres terriennes, il décrète l'état d'urgence. Toute la flotte se replie désormais autour du système de sol et les réservistes sont rappelés. Sur Arconis 3, le régent signifie à Atlan que celui-ci est devenu inutile et qu'il refusera désormais d'obéir à ses ordres. Dans le même temps, il cesse d'envoyer des ordres et tout l'Empire se retrouve paralysé. Atlan appelle alors Rodden à son secours et celui-ci atterrit peu après sur la planète. En fait, les Aconides ont réussi à reprogrammer le régent. Peu après, l'un de leurs vaisseaux se pose à côté du Duc de Fer sous la protection des vaisseaux robots. À bord du vaisseau Aconide se trouve Sansaro, un Aconide âgé, qui est en fait le véritable chef de la conspiration. Il accompagne Carba de Minterol, qui ne se doute pas qu'il n'est qu'un pantin dont le QI a été artificiellement augmenté. Les Aconides, en modifiant le dispositif de sécurité A1, ont réussi à convaincre le régent qu'Atlan ne gouverne plus au bénéfice exclusif de l'Empire et que son alliance avec les Terriens est contraire aux intérêts de son peuple. Sansaro contacte Atlan. Lui et Carba doivent se rendre immédiatement dans le régent pour un psychoduel dont le vainqueur sera proclamé empereur. Le duel se déroule sur une planète imaginaire sur laquelle Atlan a fondé et développé une colonie. Carba a atterri pour annoncer aux colons que la colonie doit fermer et qu'ils doivent tous quitter la planète à bord de son vaisseau. Atlan ne parviendra pas à s'opposer au départ des colons. Une fois ceux-ci à bord du navire, Carba revient au village et une lutte à mort s'engage entre les deux hommes. Il n'y a aucun vainqueur car le régent les réveille. Pour les départager, il soumet les deux hommes à toute une série de questions. Carba se sert de l'étroite collaboration entre Atlan et les Terriens pour faire pencher le régent en sa faveur, car l'ordinateur ne peut comprendre de notions subjectives comme l'amitié. Il ne se base que sur des faits. Carba est proclamé nouvel empereur et ordonne l'arrestation d'Atlan. Atlan parvient à regagner la surface sain et sauf. Les mutants entrent en jeu pour le rapatrier à bord du Duc de Fer. L'escadre terrienne décolle alors en urgence pour regagner le système de sol. Le fascicule allemand numéro 125, Le Sauveur de l'Empire, écrit par Kohashir en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 54, Opération Dernière Chance, paru chez Fleuve Noir en 1981. Trois mois après sa destitution par le régent et son remplacement par Carba, Atlan est de retour dans le système d'Arconis, à bord du Duc de Fer. Ayant caché un transmetteur à l'intérieur du cerveau géant, il s'apprête à l'utiliser afin de déposer une bombe qui détruira le régent. il échappe de justesse à la mort. Les aconides ont découvert le transmetteur et l'ont court-circuité. Les aconides ayant modifié la programmation du régent, celui-ci devient imprévisible et risque, à terme, de lancer une grande offensive contre le système solaire. Sur Terre, les hommes les plus importants de l'Empire solaire sont réunis dans le bureau d'Alan D. Merchant. Il y a 6023 ans, le 12 février, le croiseur Arconide Sotala a envoyé un message urgent à l'attention de l'empereur et a été détruit peu après. Les Terriens en ont reconstruit une réplique à l'identique. À l'aide d'un chronoclaste, ils envisagent de retourner dans le passé afin de rallier Arconis III et déposer une bombe au cœur du régent qui explosera 6023 ans plus tard. De son côté, Reginald Bull sera chargé de repérer les grosses escadres de navires robots afin de s'en emparer dès la destruction du régent commencée. Un commando s'empare du dernier chronoclaste sur Sphinx, planète capitale des Aconides, puis détruit le musée pour camoufler le vol. Seul Horace de l'Astor a compris ce qui s'est passé et embarque, à l'insu de son peuple, à bord du Duc de Fer. Elle laisse John Marshall lire ses pensées et prévient ainsi les Terriens qu'une flotte de nefs robots est en route pour les intercepter. Radon fait appareiller d'urgence et rejoint le Sotala. La véritable mission peut commencer. Le Sotala, projeté dans le passé, atterrit sur Arconis, tout près du régent en construction. Il dispose de 2 jours pour placer la bombe. Et Pétran, le maître d'œuvre, a détecté les mutants, partis en reconnaissance, malgré leur camouflage. Intéressé par les données techniques d'Atlan sur les propulseurs, il convoque celui-ci. Radon, Atlan et Marshall répondent à son invitation et sont impressionnés par le savant. À leur retour, les 3 hommes ont le sentiment d'avoir été démasqués. Marshall leur explique qu'en fait, durant l'entretien, ils ont été hypnotisés et leurs connaissances aspirées. À l'heure qu'il est, Pétran doit tout savoir de leur plan et même de l'histoire de l'humanité. Atlan et Radon sautent avec les Myr et Ras à l'intérieur du régent pour déposer leur bombe, mais ils sont brusquement projetés au présent alors que la bombe doit exploser dans 17 minutes. Un combat s'engage entre les 4 hommes, les Aconides et les Antis. De nombreuses explosions retentissent dans les entrailles du régent. Un message télépathique est capté par les Myr. Un petit véhicule automatique vient chercher les 4 hommes et les transporte sans danger à l'extérieur. Et Pétran, après avoir étudié leurs souvenirs, a conçu un programme qui a déclenché l'autodestruction du régent à l'arrivée des 4 hommes. Le Sotala est détruit avec les chronoclastes et les scientifiques à bord, ainsi qu'Horace de l'Astor, sont tués. Une fois dehors, Radon assiste à la destruction des vaisseaux aconides et anti par les escadres terriennes et le débarquement des troupes. Les Terriens se sont emparés de plus de 20 000 astronefs robots et contrôlent les principaux centres administratifs de l'Empire. Le destin des 2 peuples est plus que jamais lié. Le fascicule allemand numéro 126, Les ombres attaquent, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 55, Rencontres extragalactiques, paru chez Fleuve Noir en 1981. À la recherche d'unités de la flotte robot de l'Empire Arconide à la dérive, un vaisseau de l'Empire solaire est obligé d'en détruire trois pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des francs-passeurs. Le César, lui aussi à la recherche des vaisseaux-robots, prend à son bord l'émir et Iltou, une jeune Ilt, puis appareil pour le secteur de recherche qui lui a été alloué. Il repère une escadre de 11 navires robots et envoie le lieutenant Germa et 5 hommes pour ouvrir le sas de la nef capitane et en prendre possession. La gazelle du lieutenant est manipulée par des mains invisibles et s'éloigne dans l'espace. L'émir se téléporte dans la nef capitane et découvre qu'elle est aux mains des invisibles déjà rencontrés sur Barkonis. L'émir rejoint par téléportation la gazelle du lieutenant Germa qui s'éloigne en direction d'une nébuleuse en dehors de la Voie lactée. Après avoir débloqué les commandes par télékinésie, il retourne au César pour découvrir que des invisibles ont pénétré dans le vaisseau. Des groupes d'intervention quittent le César pour investir les vaisseaux robots. Grâce à l'aide d'Iltou, les invisibles enregistrent plus de pertes que les humains. Pendant ce temps, des invisibles ont pris possession du César en rendant tout le monde inconscient. Après avoir prévenu Perry Rodden, l'émir et Iltou se téléportent à bord du César, qui s'éloigne à vitesse maximale. Ils sortent l'équipage de l'inconscience, mais ils sont obligés d'endommager la propulsion pour stopper la course folle du César. L'équipage de celui-ci se lance dans une défense désespérée contre les invisibles, mais cela permet au Duc de Fer d'arriver à temps pour les secourir. À l'aide d'appareils spéciaux, ils peuvent détecter le navire des invisibles et le détruire. Le fascicule allemand numéro 127, Entre les galaxies, écrit par Kurt Mahr en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 55, Rencontre extragalactique, paru chez Fleuve Noir en 1981. La station OBS-21, dont le rôle est de surveiller un secteur extérieur à la Voie lactée, détecte des explosions et des émissions d'hyperondes, signe d'un combat dans son voisinage. L'un des messages signifie, une fois décrypté, êtes-vous une vie réelle? Alerté, Nicky Quinto décolle avec son équipe à bord de la John le 2 mai 2112 et se poste à proximité relative de la station. Il est décidé de répondre à la question posée par « Oui, nous sommes une vie réelle ». Peu après, le lointain combat cesse. Un vaisseau endommagé fait bientôt son apparition, puis se dirige, sans contrôle, tout droit sur OBS-21. Éric le Terrible, le commandant de la station, parvient à déclencher les fusées de stabilisation de la station, ce qui, malgré un énorme choc plongeant tout le monde dans l'inconscience, sauve la station de la destruction. On se rend compte ensuite qu'il y a des invisibles à bord. Le combat contre les invisibles tourne à l'avantage de ces derniers et l'équipage de OBS-21 doit se replier sur la John à l'aide des transmetteurs de matière de la station. Éric le Terrible décide de rester à bord après s'être rendu compte que les invisibles les ont espionnés et connaissent maintenant l'usage des transmetteurs. Mitch Hannigan et Ron Landry, tous deux déguisés en robots, retournent sur la station et retrouvent Éric le Terrible. C'est à ce moment que le vaisseau ennemi, que craignent les invisibles, arrive en vue de la station. Les invisibles, nouveaux maîtres de la station OBS-21, ouvrent le feu sur le vaisseau inconnu sans produire le moindre dommage. Celui-ci réplique avec une force de frappe bien supérieure. Éric le Terrible, Ron Landry et Mitch Hannigan tentent alors de fuir vers la Jones à l'aide des transmetteurs. Les deux premiers y parviennent, mais Mitch a moins de chance et le transmetteur l'envoie à un endroit indéterminé alors que la station est détruite sous les assauts de l'étrange vaisseau qui disparaît sans laisser de traces. Le fascicule allemand numéro 128, « Les tueurs de l'hyperespace », écrit par William Woltz en 1964, fut adapté en première partie du volume français numéro 56, « La mort de Mechanica », paru chez Fleuve Noir en 1982. Des marchands galactiques et des terriens découvrent l'Athlon, une nef robot à la dérive. Les terriens, maîtres légitimes du navire, font fuir les marchands galactiques qui laissent le Trox Vicheline à bord du navire. Les Trox sont des êtres squelettiques sans colonne vertébrale et transparents comme une toile d'araignée. Le Frisco aborde de l'Athlon, alors qu'une nef composite du type de celle observée par la station OBS-21 s'approche du lieu des opérations. La nef, qui cherche à préserver toute vie mécanique et à détruire toute vie organique, effectue un tir sur le Frisco qui est immédiatement réduit à l'état d'épave. Le 29 mai 2112, un SOS est envoyé au nouveau navire amiral de Perry Rodden, le Theodoric. Le Theodoric arrive sur le lieu des événements et arrose la nef composite avec des rayons paralysants qui restent sans effet. En retour, la nef composite attaque le Théodoric et celui-ci ne doit son salut qu'à une fuite précipitée dans l'entre-espace. Perry Rodden décide alors d'envoyer les trois téléporteurs en éclaireur dans la nef composite. Ceux-ci arrivent chacun dans un endroit différent et sont immédiatement pris à partie par les robots formant l'équipage. Ras Chubai, puis Tako Kakuta, sont faits prisonniers, mais décident de ne pas s'échapper tout de suite, en espérant rencontrer les maîtres du navire. L'émir tente une approche plus directe, puis se téléporte vers les deux prisonniers. C'est alors que le commandant de la nef composite utilise des rayons paralysants sur le conseil de Shortio, un des robots. Les mutants sont alors obligés de fuir l'Athlon. Rodden, avec le Theodoric, revient chercher les trois téléporteurs, mais apprend qu'ils sont coincés sur l'Athlon, car trop faibles pour se téléporter. Une petite troupe de 10 hommes, menée par Brazo Alker, est envoyée en soutien à bord de l'Athlon, à l'aide du transmetteur fictif. Le commando d'Alker se scinde en deux groupes, dont l'un vient en aide à Tako Kakuta, et l'autre à Ras Chubai. L'émir tente de rejoindre un des deux groupes. C'est à ce moment que les propulseurs de l'Athlon se mettent en route. Constatant que l'Athlon et la nef composite appareillent, le Théodoric prend cette dernière sous son feu, sans résultat. Heureusement, les 22 croiseurs lourds appelés en renfort arrivent juste à temps et le feu concentré des vaisseaux force la nef composite à fuir seule en abandonnant l'Athlon au terrier. Tous les robots provenant de la nef composite et restés sur l'Athlon se suicident alors que les télépathes entendent un rire non humain. Le fascicule allemand numéro 129, Incendie atomique sur Mechanica, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 56, La mort de Mechanica, paru chez Fleuve Noir en 1982. Pour éclaircir le mystère des robots inconnus, Perry Rodden part chercher des informations sur Mechanica. Son équipe est équipée de cérébro-neutralisateurs pour éviter d'être reconnue comme créatures organiques, sauf Puddy, un chat géant à demi-télépathe, originaire d'une autre planète, qui sert en fait de cobaye. L'émir et Pudzi partent en reconnaissance, mais ne reviennent pas. L'émir a, en fait, été paralysé par des robots, mais il est délivré par Perry et Ildu. De retour à la base, le commandant du Théodoric, Jeffy Clodrin, avertit Rodden que cinq nefs des Lorrains, nom donné aux invisibles par rapport à une légende germanique, approchent. Ils amorcent la destruction totale de la planète en larguant depuis l'orbite des bombes similaires aux bombes arcanides. C'est alors que trois nefs composites se précipitent vers le système d'Outside. Elles détruisent les cinq astronefs Lorrains en 10 secondes, mais l'une d'elles est durement touchée et s'écrase sur Mechanica. Rodden et les hommes du commando d'intervention se rendent sur les lieux du crash et ils utilisent les cérébraux neutralisateurs pour abuser les robots. Tous les robots de l'épave sont emmenés sans résistance jusqu'au moment où Pudzi se montre à découvert. Un robot de combat réagit alors à une vitesse fulgurante et le réduit en cendres. L'émir contrevient aux ordres de Rodden en détruisant totalement le meurtrier de son ami. Alors que Perry Rodden se promène seul pour réfléchir, le sol de la planète moribonde s'effondre sous lui. Il se retrouve dans une ancienne base de défense de Mechanica, mais la progression de l'enfer atomique, initiée par les Lorrains, risque de le tuer à très court terme. L'émir se téléporte au secours de son ami. Alors que les derniers morceaux de la nef composite sont embarqués, Ildu informe Rodden que, lors du balayage télépathique qu'elle a effectué à sa recherche, elle a capté des impulsions provenant des robots. D'abord interrogative, ses pensées se sont vite transformées en colère, en rage, puis en haine, jusqu'au moment où elle a rebranché son cérébro-neutralisateur. Cela indique qu'il s'agit d'un robot capable de pensées autonomes et de sentiments. Le Théodoric appareille et s'éloigne de la planète lorsque celle-ci se transforme en Nova et menace de désintégrer le vaisseau. Seuls les réflexes de Clodrin permettent d'éviter la catastrophe. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les résumés du cycle 3, les fascicules 120 et 129 des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Vanreux. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons Share Alike et est une production 2014-2015 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio pour canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.